manger moins passado, mi ma calculé. J'ajoute qu'on est jamais même au mètre carré, c'est un bout d'auto dans les yeux. J'ai ri pas fait ma vie, on dit pitié pour moi la la. Vous êtes là, moi c'est papillon, aïe maman chérie, je vois ma boute. Mon bijet m'a fait jalousie, parce que moi, ouais, moi, fille de péri. Maman chérie, c'est pas de ça, t'es dit, ma belle mariée, et bon, pas divorcé. L'on l'a pas fait ma vie. Pas ça manger, moi pas ça dormir, ma vie calculée. J'ajoute qu'on est jamais même au mètre carré, c'est pour d'auto dans les yeux. Chérie, pas fait ma vie, on dit pitié pour moi lola. Ou c'est l'homme, moi c'est papillon, aïe papa chérie, je vois ma boute. Mon bijet m'a fait jalousie, parce que moi, ouais, moi, fille de péri. Maman chérie, c'est pas que ça, t'es dit, m'a fait marier, bonne pas divorcer. Lola, pas fait ma vie. Fâché n'a pas marié pour ne pas divorcer. Moi et mon bon pageant fâché n'a pas marié pour ne pas divorcer. Dans l'autre chéri, songez sans te dire n'a pas marié pour ne pas divorcer. Dans l'autre chéri, songez sans te dire n'a pas marié pour ne pas divorcer. Moi et mon bon pageant fâché n'a pas marié pour ne pas divorcer. Moi et mon bon pageant fâché n'a pas marié pour ne pas divorcer. Lola chéri, songez sans te dire n'a pas marié pour ne pas divorcer. Lola chéri, songez sans te dire n'a pas marié pour ne pas divorcer. Dans la chérie, changez ça, t'es dit, n'a pas marié pour ne pas divorcer.